allez, ah, allez, ah, allez, tout le monde, on te prie avec vous, les chats. Allez, allez, allez, allez, allez, allez.